Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver en ce mardi 31 mars. Merci pour vos messages, merci pour votre solidarité. Le combat continue, un autre jour est possible plus que jamais. On reprend donc nos programmes avec, dans un instant, notre tête chercheuse, le journaliste spécialiste de polar Alain Léautier qui viendra nous parler du renouveau du polar hexagonal. Et puis, en deuxième partie, je recevrai Patricia McDonald, qui était de passage en France, entre autres pour Quai du Polar, et qui, avant de prendre son avion pour New York, viendra à ce micro nous parler de son dernier roman, Personne ne le croira. Evening, Fire Service. Hello, my name is Dick Halloran. I'm the head chef up at the Overlook Hotel. Good evening, Mr. Halloran. What can I do for you? Sir, I've been trying to make an urgent phone call up there, but the operator said that the phone lines are down. Yeah, I'm afraid a lot of lines around here are down due to the storm. And with the storm and everything, I'd sure appreciate it if you'd give them a call on your radio just to see if everything's okay. I'll be glad to do that, sir. Why don't you call me back in about 20 minutes? Thank you very much. I'll do that. All right, sir. Le polar dans tous ses états, notre série de la semaine avec Alain Léautier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, deuxième épisode, les dernières tendances du polar hexagonal. On pourrait peut-être commencer par une petite analogie en expliquant que aujourd'hui c'est un peu une tarte à la crème, mais ça correspond quand même à une certaine réalité. On vit dans un monde multipolaire. Eh bien, on est à l'heure du multipolar, qu'on pourrait également appeler le post-polar. Sa caractéristique principale, c'est d'être totalement éclaté, à l'image d'une société et d'un univers fragmenté. Il part un peu dans toutes les directions. Il se nourrit, bien sûr, des modèles anciens, parce qu'on n'écrit pas sur en littérature, on n'écrit jamais sur une terre vierge. Mais ces thématiques sont évidemment contemporaines, et elles sont, pour ceux qui sont habitués à un polar, au code intangible du polar, elles sont très étonnantes, puisqu'il est question aujourd'hui dans ce qu'il est convenu d'appeler des polars, mais qui, après tout, relève plus exactement de la littérature au sens général, dans la mesure où tous les codes ont explosé. Il y est question, par exemple, de la souffrance au travail. C'est un jeune écrivain qui en est aujourd'hui à son 5e ou 6e polar, qui s'appelle Marin Le Dain. Dans un de ses premiers, Les visages écrasés, il parlait de la souffrance au travail à travers une sorte de thriller social dont l'héroïne était un médecin du travail, précisément. Et qui remplace le flic ou le détective ? Qui, d'une certaine manière, oui, le détective, c'est une figure de plus en plus absente dans le polar contemporain. Elle relève plutôt des années 30 ou des années d'après-guerre. Les flics sont toujours présents. Mais tous les acteurs de la vie sociale deviennent aujourd'hui potentiellement des personnages de noirs de littérature policière, dans la mesure où la littérature policière n'a plus de frontières, ni géographiques, ni sociales, ni thématiques. Elle investit tout. Pour le meilleur et pour le pire ? Pour le meilleur et pour le pire, oui, comme j'allais dire, dans toute forme de littérature. Mais peut-être, puisqu'on parle de nouvelles tendances, il faut quand même un peu parler des anciennes, puisque, encore une fois, ce polar ne s'écrit pas sur une terre vierge. Il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire du polar français. Une des plus glorieuses, en tout cas souvent présentée comme telle, ça a été ce qu'on a appelé le néopolar dans les années 70, qui est très lié à l'histoire politique de l'époque, à mai 68, à la contestation des modèles sociaux, politiques et comportementaux anciens. Par exemple, avec des auteurs comme... Avec des auteurs, l'auteur phare, l'auteur, la grande ombre, le grand commandeur, c'est Jean-Patrick Manchette, qui lui-même est plus ou moins à la base de ce concept de néopolar, avec quelques autres critiques. En fait, de néopolar, c'est-à-dire d'école en tant que telle, il n'en a jamais eu. C'est plus un concept inventé par commodité. Par contre, il y a eu des auteurs majeurs à cette époque. Effectivement, Manchette, dont la caractéristique principale, c'est son style. Manchette a apporté dans la littérature policière française, après Simenon, un style très particulier qu'on a appelé comportementaliste, béhavouriste, c'est-à-dire dégagé de toute psychologie, dégagé un peu du fatras de la psychanalyse qui a fait beaucoup de mal également en littérature pendant ces années-là. Le personnage existe par son comportement, par ses actes. Mais évidemment, dans des situations politiques, dans des situations qui sont très, à l'époque, en accord avec cette période de bouillonnement intellectuel et politique. Un autre écrivain majeur de cette période du néo-polar, c'est Jean-Bernard Pouy, qui lui est l'exact inverse d'une certaine manière de Manchette. Il a un style exubérant, il appartient à cette école de l'Oulipo qui joue beaucoup avec le langage, qui joue avec le plaisir de s'imposer des contraintes et de les respecter ou de ne pas les respecter. Il a une écriture baroque, il est dans la jouissance, c'est un nanar, c'est un libertaire en tout, y compris dans son écriture. Et puis il y a un troisième personnage très important à cette époque, c'est Thierry Jonquet, qui d'une certaine manière, en 2006, va clore cette époque avec un livre qui fera énormément de polémiques, qui était consacré à la montée, de la violence dans les banlieues, qui racontait l'histoire d'un gang de barbares antisémites. Et ce livre est très étonnant parce qu'il est... Titre du roman ? Il a été publié en... Le titre du roman est tiré d'une célèbre citation de Victor Hugo. « Ils sont votre épouvante, vous êtes leur crainte », qui est un célèbre vers de Victor Hugo. Et ce livre est effectivement très étonnant puisqu'il paraît en 2006, au moment de l'assassinat de Yann Halimi. Il est totalement prémonitoire, mais il sera également... extrêmement controversé. Pour faire court, disons qu'il a opposé dans la petite planète polar de cette époque, très marquée par les débats idéologiques dans l'extrême-gauche, il a opposé, on va dire, des blocs opposés très violemment, puisque ça a failli se conclure par une bagarre générale entre différentes individualités appartenant à cet univers. Et d'une certaine manière, il clôt une époque très marquée du polar français, très marquée par les débats idéologiques, politiques, culturels des années 70. Mais c'était pas un peu la fin de ces débats et le début d'une ère où un peu plus violente, un peu plus haineuse, où justement les débats vont devenir clivants parce que Thierry Jonquet, qui lui venait quand même d'un milieu d'extrême gauche, va épouser des idées. Pour le moins inquiétante, je dirais. Là, on peut avoir probablement, et ça a d'ailleurs été le cas parmi ses amis et parmi son lectorat, des avis extrêmement opposés. Moi, mon avis personnel est celui d'un certain nombre de personnes qui n'est pas forcément partagé par tous, encore une fois, c'est que Jonquet a poussé à son extrême limite ce qui a toujours été une des caractéristiques du roman noir, c'est-à-dire un dévoilement radical du réel. Mais effectivement, il clôt cette période et on entre ensuite dans une autre ère, celle que j'évoquais au début de notre entretien, qui est multipolaire, qui est un petit peu orpheline de grands débats idéologiques, mais qui explore dans la grisaille la société contemporaine, la société multipolaire, compliquée. Il va un peu dans tous les sens. Mais ce n'était pas le cas avant déjà, je veux dire, avant Thierry Jonquet, avant Didier de Nax, déjà à l'époque de Boileau-Narcé-Jacques, c'était... Vous avez raison, rien ne se crée, tout se transforme. Hein. On n'invente jamais totalement en littérature. Et sans même parler de Jonquet, on peut remonter à Simenon, on peut remonter à Léo Mallet, Les Mystères de Paris. Il y avait déjà dans cette littérature une forme de critique sociale, d'attention au réel. C'est la littérature policière, enfin une certaine littérature policière, on va dire fondée sur la critique sociale et la critique sociétale, qui est très en vogue en France depuis toujours. C'est comme un buvard du réel. Elle imprime tout, y compris le pire. Et c'est ce qui fait sa force et son intérêt. Pour autant que derrière, il y ait d'authentiques écrivains. Souvent, il n'y a que des imitateurs et des copieurs. Souvent, il y a aussi Et malheureusement, ça a été une des tendances du néo-polar, du moins dans ce qu'il avait de moins passionnant. Il y a quelquefois des sociologues. La littérature, c'est pas de la sociologie. C'est pas non plus uniquement des histoires. La littérature, la maison de l'écrivain, c'est le style. Et ce qui manque peut-être aujourd'hui à ce qu'on pourrait appeler de manière un peu commode la nouvelle génération, c'est des grands stylistes. Hélène Fisbach, qui est la directrice artistique de Quai du Polar, festival qui voit passer depuis 11 ans des dizaines et des dizaines d'écrivains français, y compris toute la nouvelle génération, elle constate qu'il n'y a pas d'école. Elle constate qu'il y a de très bonnes individualités, mais pas d'école. Moi, j'ajouterais qu'il n'y a pas de... mais peut-être est-ce que j'appartiens à une autre génération qui a grandi à l'abri des maîtres. Il n'y a pas de maître. Il n'y a pas, peut-être à une exception près, je vais la citer tout de suite, parce que lui, c'est peut-être, à mes yeux aujourd'hui, le plus grand écrivain de littérature policière en France, Hervé Lecor. Mais ce qu'il écrit, à la limite, c'est de la littérature blanche, noire, on s'en fout. C'est de la grande littérature. Mais il y a effectivement... Caril Ferré, Dominique Manotti... Alors, Caril Ferré, c'est un garçon extrêmement intéressant parce qu'il représente, dans le polar français, une tendance du polar mondial. C'est-à-dire, il n'y a plus de frontières. Mais nous vivons dans un monde sans frontières. Hein. On vit dans un monde sans frontières. Certains, comme Régis Debray, le regrettent, mais c'est pas l'objet de notre débat aujourd'hui, en tout cas de notre entretien. Mais effectivement, on vit le polar. Il n'y a plus un espace de notre petite terre qui échappe aujourd'hui au polar mondialisé. Et effectivement, Caril Ferré représente cette tendance dans le polar hexagonal, d'aller voir ailleurs, de raconter des histoires en Afrique du Sud, en Australie. Alors lui se penche souvent sur la situation des minorités dans ces pays, que ce soit l'apartheid et les townships en Afrique du Sud, les populations d'origine mélanésienne en Australie, les Indiens Mapuches en Amérique du Sud. Mais c'est une tendance très forte qui amène par exemple des écrivains français de polar comme Olivier Truc, qui vivent aujourd'hui en Suède, à s'intéresser au sort des populations qui vivent en Finlande, en Suède, en Norvège, des minorités locales. On appelle ça le polar ethnographique. Là aussi, rien de nouveau sous le soleil. D'une certaine manière, il a existé aux États-Unis depuis plusieurs dizaines d'années, notamment des polars écrits sur les populations d'Indiens Navajo. Voilà, c'est une tendance très forte aujourd'hui. Mais nous avons des choses très surprenantes. Je parlais de la souffrance au travail. La série Noire vient de publier un livre d'un journaliste qui s'appelle Bronek et qui, lui, s'intéresse au monde de la finance. Il a fait du monde de la finance et de l'Empire Bercy, sur lequel il avait précédemment écrit un livre de journaliste, un document. Il en a fait une fiction. Est également présent la question de l'écologie, la désindustrialisation, les atteintes à l'environnement. Un écrivain déjà qui lui appartient un peu à la queue de comète du néo-polar, Pascal Dessin. Mais nous avons un jeune écrivain qui vient d'écrire un premier livre magnifique, Nicolas Mathieu, « Aux animaux la guerre, acte sud », magnifique roman. Merci beaucoup Alain Léautier, journaliste. À Marianne, on vous retrouve demain pour parler des polars, le polar dans tous ses états. Demain, on parlera du polar latino. Merci beaucoup et à demain. À demain. Hey baby. I can't see you tonight. Okay. Just one more. Sure. I think he suspects something. We have to be careful. I miss you. Me too. I'll call you again. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Bonjour Patricia McDonald. Bonjour. Ravi de vous retrouver. La dernière fois, c'était il y a 2-3 ans. Un peu plus peut-être même. Plus, je crois. Peut-être 5 ans. J'avais un peu peur avec la grève de vous rater. Moi qui ai lu votre dernier livre, Personne ne le croira, édité chez Albin Michel. Alors, avant de parler de votre roman, avant de parler des polars, ça vous fait quoi, Patricia McDonald, de vous retrouver avec des auteurs de polars du monde entier? Oh, c'est très agréable pour moi, parce qu'aux États-Unis, je ne rencontre jamais les autres auteurs. C'était vraiment un bonheur de les rencontrer à Lyon. Et vous parlez de quoi? Oh, nous avons fait les débats sur le sujet du mal et des meurtres en famille et comme ça. Parce que maintenant, vous êtes connu. Quand vous attaquez la famille, vous perturbez toute l'idée qu'on se fait de la famille américaine, surtout que vos familles, surtout dans le dernier roman, c'est une famille bien respectable, bien sous tout rapport. Et au fur et à mesure qu'on avance dans votre récit, eh ben vous leur inventez des choses. Mais c'est juste incroyable, Patricia McDonald. Est-ce qu'au-delà du plaisir d'écrire ce thriller, ce polar, il y a chez vous une envie aussi de déconstruire le mythe de la famille idéale américaine? Normalement, mes livres se passent en famille parce que je trouve que tout le bonheur, mais aussi toutes les événements tragiques se passent dans une famille. Alors, est-ce qu'on peut dire que pour chacun de vos romans, ça part de quelque chose de réel, d'un fait divers que vous déformez, ou ce sont plutôt vos angoisses, vos obsessions, vos cauchemars qui vous servent de moteur pour écrire Patricia McDonald? Je crois que c'est les deux. J'ai commencé avec un fait divers, cette fois, très très connu aux États-Unis, d'une femme qui était arrêtée pour le meurtre de sa fille qui avait 3 ans. Et en fait, elle était trouvée innocente après son procès, mais tout le monde pensait qu'elle était coupable. Et je me mettais dans la tête, dans l'esprit de sa mère. Parce que c'était sa petite fille qui était la victime. Et donc, j'ai beaucoup changé de cette fait divers. Mais l'inspiration était là. Et après ça, oui, c'est mes angoisses, c'est mes cauchemars, c'est les cauchemars de tous les mères, je crois. Alors, parlons justement des codes du polar. Est-ce que vous les respectez? Et ça veut dire quoi pour vous respecter les codes du polar? Est-ce qu'il y a un code de polar? Bonne question. Il y a des règles, vraiment. Mais celui-ci est un peu différent parce qu'il n'y a pas beaucoup de suspects. C'est plus le suspense. On connaît très bien qui est le méchant, mais pas pourquoi. Et c'est le problème. Comment on résout un problème comme ça? Et c'est l'angoisse tout le temps. Comment écrivez-vous, Patricia McDonald? Est-ce que vous prenez du temps? Parce qu'apparemment, aujourd'hui, vous publiez en moyenne un roman tous les 2 ans. Oui, tous les 2 ans, si je peux. Je prends mon temps parce que je ne veux pas que mes lecteurs achètent une de mes livres et soient déçus avec l'intrigue. Il faut refaire. Il faut connaître le personnage très bien et ça prend du temps. Mais une part 2 ans, oui, ça, je peux le faire. Est-ce que c'est pour vous un travail de solitaire? Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous avez des conseillers? Ou vous avez des personnes très proches à qui vous suggérez quelques idées avant de les mettre en exécution? Est-ce que vous avez des lecteurs? Mon agent littéraire est la première personne qui voit mes idées, qui me fait ses réactions dans mes idées. Mais après 18 romans, je sais assez bien comment procéder. Et qu'est-ce que vous utilisez pour écrire? Un ordinateur, un stylo, des notes? Vous êtes entouré de documentation, vous avez des photos. À quoi ressemble le bureau de Patricia McDonald quand elle écrit un roman? De nos jours, j'ai un ordinateur, donc tout le monde est juste là pour regarder. Je peux chercher des maladies psychologiques, les procès des policiers, des avocats. Par le net? Par le net, souvent. Aussi, j'ai ma meilleure amie est psychologue et nous discutons de temps en temps des problèmes psychologiques. Et aussi, j'ai une amie très proche qui est juge et elle m'aide beaucoup aussi. Est-ce que tout ce qui se passe dans l'univers littéraire compte pour vous, vous influence? Quand je dis le monde littéraire, ça peut être très large, c'est-à-dire y compris pour les scénaristes de séries, de films. Est-ce que tout ce qui se passe autour de vous vous influence, Patricia McDonald? J'essaie d'éviter les influences parce que je ne veux pas que quelqu'un dise « mais j'ai déjà lu cette intrigue ». Mais je lis beaucoup de nouvelles. Je pense qu'aux États-Unis, les meilleurs écrivains de nos jours écrivent des nouvelles. Et je ne lis pas beaucoup des polars, parce que pour moi, c'est très facile je connais le dénouement après 10 pages. Donc vous n'avez pas le même plaisir qu'on a, nous, à lire des polars, en tant qu'auteur de polars? Non, oui, c'est triste, parce que j'ai toujours adoré les polars. Mais peu à peu, j'ai perdu le goût à cause de cela. Je peux voir l'intention de l'auteur très vite. Vous n'avez pas quelques classiques chez vous? Je ne sais pas. Oui, mon mari était libraire dans un libraire dédicacé au polar à Philadelphie. Et nous avons beaucoup de classiques, polars, mais toutes sortes de littérature. Comment êtes-vous arrivée à écrire Patricia McDonald? Et est-ce que déjà le genre était au début de votre carrière d'écrivain? J'ai fait mes études dans le journalisme et j'ai eu un travail que j'aimais bien beaucoup à New York et dans un magazine qui s'occupait des feuilletons télévisés, et on a fermé les magazines parce que les ventes n'étaient pas assez bien. Et donc c'était le chômage. Et j'ai eu une amie qui était un écrivain littéraire qui ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est normal pour la littérature, malheureusement. Et nous deux, nous avons essayé ensemble d'écrire un roman à clé sur le feuilleton télévisé pour gagner de l'argent. Mais ça ne se passait pas, mais j'ai rencontré mon agent littéraire avec ce petit 50 pages que nous avons écrit, et l'agent littéraire m'a dirigé envers les polars. Et mon agent m'a dit, mais qu'est-ce que vous aimez lire? Et je dis, oui, j'ai toujours adoré les polars. Et elle me dit, donc, écrivez des polars, un polar. Et c'était un bon conseil, je crois. Et aujourd'hui, Patricia McDonald, est-ce que le public attend de vous des histoires bien précises ou vous avez l'impression d'être libre? Autrement dit, est-ce que vous êtes piégée par le genre polar ou pas du tout? Non, je pense que c'est le piège, c'est le personnage qui continue d'un livre à un autre. Et j'ai évité cela pour toute ma carrière. Quand je commence avec un nouveau monde chaque fois. Et aussi, je crois, après 18 romans, mes lecteurs ont confiance en moi. On va me suivre. Alors pourquoi vous refusez l'idée du héros récurrent, qu'il soit détective, policier ou autre d'ailleurs, puisque depuis ça s'est élargi? Est-ce que vous avez l'impression, Patricia McDonald, que ça ne se fait plus dans le polar de mettre quelqu'un en vedette? Je préfère écrire des émotions très fortes et à mon avis, une détective ou un personnage qui continue, c'est pas possible pour cette personne d'être dans la famille, dans chaque famille. Donc, je choisis mon héroïne, parce que c'est toujours une héroïne, qui est dans le huis clos, de mon roman. Et après, souvent, on me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle après? Je ne sais pas. Je suis finie avec elle. Et jamais l'idée ne nous a effleuré d'essayer un héros, une héroïne en ce qui vous concerne, récurrente? Non, jamais. Jamais, parce que je ne veux pas être coincée par un personnage qui doit faire qui doit apparaître dans chaque roman. Ça me semble assez ennuyant. Je préfère commencer à nouveau chaque fois. Alors, cette semaine, on parle des polars dans l'émission Un autre jour est possible. Patricia McDonald, des nouvelles tendances du polar. On parle d'une littérature fusion, c'est-à-dire où on mélange le polar mais avec le fantastique. On parle aussi des règles du polar dans le monde mais qui viennent pour parler de l'actualité politique, sociale du monde. Est-ce que tout ça, ça compte pour vous ou bien vous restez dans une veine plutôt classique où vous parlez où l'intrigue l'emporte sur le contexte culturel, économique ou de l'époque? Je ne m'intéresse pas du tout au fantasy, même comme lecteur, lectrice ou écrivain, pas du tout. Les tendances sociales, je cherche toujours de mettre mon histoire dans le maintenant, le now. Et donc il y a toujours une fire dans le roman d'une tendance de nos jours, par exemple dans ce roman, si j'ai vétéran de l'armée qui fait une rôle assez importante. Chez nous, c'est un grand problème avec tous les vétérans de l'Irak. Et on a laissé tomber ces gens qui sont revenus et c'est terrible. Mais je n'écris pas de politique ou le monde comme les influences du monde sur mon intrigue. C'est simplement pour mettre l'histoire dans mon époque. Vous écrivez de nuit ou de jour? Oh, de jour, l'après-midi, 14 heures, peut-être 19 heures. Non, pas assez tard que ça. 4 heures dans l'après-midi. Et il faut dire que je surfe l'Internet aussi pendant ces heures. Mais plusieurs heures, si on le fait jour après jour après jour, enfin on a un livre. Et qu'est-ce que vous faites du reste du temps? Oh, nous avons une vie très très tranquille. Nous habitons dans une toute petite ville au bord de la mer. Où ça? C'est Cape May, New Jersey, et beaucoup d'amis là-bas, et nous allons à Philadelphie pour le théâtre, ou pour rencontrer les autres. C'est une vie très agréable. Merci, Patricia McDonald. Merci de m'inviter, merci.